C'est pas ce qu'il y a au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. Ce que je suis ou ce que je suis, concorde avec ce que je dis. C'est Dieu qui me nourrit, façon mon corps et mon esprit. La personne que je suis veut du bien pour sa famille, mais la voix qui se détruit. Du genre qui s'en grandit, chaque épreuve que je franchis. Je crois mes moyens encore plus qu'au messie. Ton vrai caractère c'est celui qui sort quand t'es mal pris. Solution que tu choisis quand ça sent mauvais comme du moisi. Burny boy, des fois j'pense trop pis j'suis paranoïe. Et d'autres fois j'fais jouer au Xbox sur mon lazy boy. Can it make some noise? C'est une track pour les ladies speedy boys. Y'a juste au lieu de poser comme dans Playboy. Des situations de crise, y'en a qui restent statiques, pis d'autres qui utilisent toujours les bonnes tactiques. C'est pratique d'être dans leur équipe quand t'es dans marre. T'as juste à lâcher un bip. Compte, y'en a combien comme ça dans ta clique. Le nombre de chokers confirme mes statistiques. Le monde se bitch comme dans le milieu artistique. J'respecte ceux qui agissent sans trop d'artifice. Tu comprends pas ça quand t'es toxique. C'est pas ce qu'au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. C'est pas ce qu'au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. Ce qu'on est, c'est nos actions, nos peines, nos peurs, nos satisfactions. Tout ce qu'on mange, qu'on boit, ce qu'on fume, la vie d'elle-même se consume. Aucune hésitation, trace la mienne avec la plume. À date de ma recette, y'a rien que je regrette. J'suis devenu ce que j'suis grâce aux actions que j'ai faites. Aujourd'hui j'suis fier de l'image que j'projette. J'ai encore plein de projets, faut que je termine, faut que je les complète. Détermine ce qu'on est par nos exposés, par nos actions posées, par la réponse d'une chose proposée, par nos soirées bien arrosées, par la relation avec une personne sexe opposée. Pour faire la différence, c'est à toi de faire ta chance. Il faut juste que t'aies les couilles de montrer tout ce que tu penses. Si quand c'est l'effort que tu mets pour que ça se réalise, ton vrai caractère ressort en situation crise. Y'a les gestes qui déterminent si tu montes ou baisses dans notre estime. On fait ce qu'il faut pour que notre dossier reste clean. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Ferme la puits au père au lieu d'agir comme une victime. Tes réactions reflètent tes vraies racines, par où t'es passé, donc un peu tes origines. Pour ça je te respecte ou je te déteste, à toi de tracer la ligne. Je connais pas, mais ce que tu fais là me donne des signes. C'est pas ce qu'il y a au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. C'est pas ce qu'il y a au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. Aussitôt que tu t'exprimes, un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es. C'est pas ce qu'il y a au fond de nous qui détermine ce qu'on est. Le monde te juge aussitôt que tu t'exprimes. Un seul geste peut faire tout changer. À toi de faire le bon pour démontrer comment t'es.